Chapitre 90, le tour de péage du pont de Varennes. Il y eut un instant d'inexprimable accablement parmi tous ces malheureux menacés d'un danger inconnu, mais terrible, et arrêtés sur la grande route. Isidore en sortit le premier. « Sire, dit-il, mort ou vivant, ne pensons plus à mon frère, pensons à votre majesté. Il n'y a pas un instant à perdre. Les postillons connaissent l'hôtel du grand monarque, au galop, à l'hôtel du grand monarque. » Mais les postillons ne bougent pas. « N'avez-vous pas entendu ?» leur demanda Isidore. « Si fait. Eh bien, pourquoi ne partons-nous pas ?»« Parce que M. Drouet l'a défendu. »« Comment M. Drouet l'a défendu ?»« Et quand le roi commande et que M. Drouet défend, vous obéissez à M. Drouet ?»« Nous obéissons à la nation. »« Allons, messieurs, » dit Isidore à ses deux compagnons. « Il y a des moments où la vie d'un homme ne compte pour rien. »« Chargez-vous chacun d'un de ces hommes. »« Je me charge moi de celui-ci. » « Nous conduirons nous-mêmes. » Et il prend au collet le postillon le plus proche de lui et il appuie sur la poitrine la pointe de son couteau de chasse. La reine voit briller les trois lames et jette un cri. « Messieurs, dit-elle, messieurs, par grâce !» Puis au postillon. « Mes amis, dit-elle, 50 louis à partager tout de suite entre vous trois et une pension de 500 francs chacun si vous sauvez le roi. » Soit qu'ils eussent été effrayés par la démonstration des trois jeunes gens, soit qu'ils fussent séduits par l'offre, les postillons enlèvent leurs chevaux et reprennent leur chemin. M. de Préfontaine rentre chez lui, tremblant, et se barricade. Isidore galope devant la voiture. Il s'agit de traverser la ville et de passer le pont. La ville traversée et le pont passé, en 5 minutes on sera à l'hôtel du grand monarque. La voiture descend à fond de train la côte qui conduit à la ville basse. Mais en arrivant à la voûte qui donne sur le pont et qui passe sous la tour, on aperçoit qu'un des battants de la porte est fermé. On ouvre ce battant, 2 ou 3 charrettes barrent le pont. « À moi, messieurs !» dit Isidore en sautant en bas de son cheval et en rongeant les charrettes. En ce moment, on entend les premiers battements du tambour et les premières volées du tocsin. Drouet fait son œuvre. « Ah, misérable !» s'écrie Isidore en grinçant des dents. « Si je te retrouve !» Et par un effort inouï, il pousse de côté une des 2 charrettes tandis que M. de Malden et M. de Valory poussent l'autre. Une 3e reste en travers. « À nous la dernière !» dit Isidore, et en même temps, la voiture s'engage sous la voûte. Tout à coup, entre les ridelles de la 3e charrette, on voit passer les canons de 4 ou 5 fusils. « Pas un pas où vous êtes morts, messieurs !» dit une voix. « Messieurs, messieurs !» dit le roi en mettant la tête à la portière. « N'essayez point de forcer le passage, je vous l'ordonne !» Les 2 officiers et Isidore font un pas en arrière. « Que nous votons ?» demande le roi. En même temps, on entend un cri d'effroi poussé dans la voiture. Outre les hommes qui interceptent le passage du pont, 2 ou 3 autres se sont glissés derrière la voiture et les canons de plusieurs fusils se montrent aux portières. Un d'eux est dirigé sur la poitrine de la reine. Isidore a tout vu. Il s'élance, saisit le canon du fusil et l'écarte. « Feu, feu !» crient plusieurs voix. Un des hommes obéit. Heureusement, son fusil rate. Isidore lève le bras et va poignarder cet homme avec son couteau de chasse. La reine lui arrête le bras. « Ah, madame !» s'écrie Isidore furieux. « Au nom du ciel, laissez-moi donc charger cette canaille !»« Non, monsieur, » dit la reine, « le sabre au fourreau, entendez-vous » Isidore obéit à moitié. Il laisse retomber son couteau de chasse, mais ne le remet pas au fourreau. « Ah, si je rencontre Drouet !» murmura-t-il. « Quant à celui-là, » dit la reine à demi-voix, et lui serrant le bras avec une force étrange, « quant à celui-là, je vous le livre. »« Mais enfin, messieurs, » répéta le roi, « que voulez-vous ? « Nous voulons voir les passeports !» répondirent 2 ou 3 voix. « Les passeports ? Soit, » dit le roi. « Allez chercher les autorités de la ville et nous les leur montrerons. »« Ah, par ma foi, voilà bien des façons !» s'écria en mettant en joue le roi. L'homme de le fusil avait déjà raté. Mais les 2 gardes du corps se jetèrent sur lui et le terrassèrent. Dans la lutte, le fusil partit, mais la balle n'atteignit personne. « Oh là !» cria une voix. « Qui a tiré ?» L'homme foulé aux pieds par les gardes du corps poussa un rugissement criant « À moi !» Les 5 ou 6 autres hommes armés accoururent à son secours. Les gardes du corps dégainèrent leurs couteaux de chasse et s'apprêtèrent à combattre. Le roi et la reine faisaient d'inutiles efforts pour arrêter les uns et les autres. La lutte allait commencer, terrible, acharnée, mortelle. En ce moment, 2 hommes se précipitèrent au milieu de la mêlée, l'un ceint d'une écharpe tricolore, l'autre vêtu d'un uniforme. L'homme à l'écharpe tricolore, c'était le procureur de la commune Sauce. L'homme vêtu de l'uniforme, c'était le commandant de la garde nationale à Nonnet. Derrière eux, on voyait briller, à la lueur de 2 ou 3 torches, une vingtaine de fusils. Le roi comprit que, dans ces deux hommes, était sinon un secours, du moins une garantie. « Messieurs, dit-il, je suis prêt à me confier à vous ainsi que les personnes qui m'accompagnent, mais défendez-nous des brutalités de ces gens. » Il montrait les hommes armés de fusils. « Bas les armes, messieurs !» s'écria Annonay. Les hommes obéirent en grondant. « Vous nous excuserez, monsieur, » dit le procureur de la commune, s'adressant au roi. Mais le bruit s'est répandu que Sa Majesté Louis XVI était en fuite. Et il est de notre devoir de nous assurer si c'est vrai. « Vous assurer si c'est vrai ?» s'écria Isidore. « Si c'est vrai que cette voiture renferme le roi, vous devez être au pied du roi. Si au contraire elle ne renferme qu'un simple particulier, de quel droit l'arrêtez-vous » « Monsieur, dit Sauce, continuant de s'adresser au roi, c'est à vous que je parle. Voulez-vous me faire l'honneur de me répondre ?»« Sire, dit tout bas Isidore, gagnez du temps. Monsieur de Damas et ses dragons nous suivent sans doute et ne tarderont pas à arriver. »« Vous avez raison, dit le roi. » Puis répondant à Monsieur Sauce, « Et si nos passeports sont en règle, monsieur, dit-il, nous laisserez-vous poursuivre notre route ?»« Sans doute, dit Sauce. Eh bien alors, madame la baronne, le roi, à s'adressant à Madame de Tourzel, ayez la bonté de chercher votre passeport et de le donner à ces messieurs. » Madame de Tourzel comprit ce que le roi voulait dire par les mots « Ayez la bonté de chercher votre passeport ». Elle se mit en effet à le chercher, mais dans les poches où il n'était pas. « Eh !» dit une voix impatiente et pleine de menaces. « Vous voyez bien qu'ils n'en ont point de passeport. »« Si fait, messieurs, dit la reine, nous en avons un. » Mais ignorant qu'on allait nous le demander, Madame la baronne de Corf ne sait plus ce qu'elle en a fait. Une espèce de huée s'éleva dans la foule, indiquant qu'elle n'était pas dupe du subterfuge. « Il y a quelque chose de plus simple que tout cela, » dit Sauce. « Postillon conduisait la voiture devant mon magasin. Ces messieurs et ces dames entreront chez moi, et là tout s'éclaircira. Postillon, en avant, messieurs les gardes nationaux, escortez la voiture. » Cette invitation ressemblait trop à un ordre pour qu'on essayât de s'y soustraire. D'ailleurs, l'eût-on tenté, on n'eût probablement pas réussi. Le tocsin continuait de sonner, le tambour continuait de battre, et la foule qui entourait la voiture augmentait à chaque instant. La voiture se mit en marche. « Oh, monsieur de Damas !» murmura le roi, « pourvu qu'il arrive avant que nous soyons à cette maison maudite. » La reine ne disait rien. Elle pensait à Charny, étouffait ses soupirs et retenait ses larmes. On arriva à la porte du magasin de Sauce sans avoir entendu parler de monsieur de Damas. Qu'était-il encore advenu de ce côté-là, et qui empêchait ce gentilhomme, sur le dévouement duquel on savait pouvoir compter, d'accomplir les ordres qu'il avait reçus et la promesse qu'il avait faite? Nous allons le dire en deux mots, pour que sorte à tout jamais de l'obscurité chaque point de cette lugubre histoire. Nous avons laissé monsieur de Damas, faisant sonner le bout de sel par les trompettes que, pour plus grande sûreté, il avait retenu chez lui. Au moment où le premier son de la trompette éclata, il prenait son argent dans le tiroir de son secrétaire, et en y prenant son argent, il en tirait quelques papiers qu'il ne voulait ni laisser derrière lui, ni emporter avec lui. Il s'occupait de ce soin lorsque la porte de la chambre s'ouvrit et que plusieurs membres de la municipalité parurent sur le seuil. L'un d'eux s'approcha du comte. « Que me voulez-vous ? » demanda celui-ci, tout étonné de cette visite inattendue, et se redressant pour cacher une paire de pistolets déposés sur la cheminée. « Monsieur le comte, répondit un des visiteurs avec politesse, mais avec fermeté, nous désirons savoir pourquoi vous partez à cette heure. » Monsieur de Damas regarda avec surprise celui qui se permettait de faire une pareille question à un officier supérieur de l'armée du roi. « Mais, répondit-il, c'est bien simple, monsieur. Je pars une pareille heure parce que j'en ai reçu l'ordre. « Dans quel but partez-vous, monsieur le colonel ?» insista le questionneur. Monsieur de Damas fixa sur lui un regard de plus en plus étonné. « Dans quel but je pars ? D'abord, je l'ignore moi-même. Puis ensuite, je le saurai, que je ne vous le dirai pas. » Les députés de la municipalité se regardèrent entre eux en s'encourageant les uns les autres du geste, de sorte que celui qui avait commencé d'adresser la parole à monsieur de Damas continua. « Monsieur, dit-il, le désir de la municipalité de Clermont est que vous partiez non pas ce soir, mais seulement demain matin. » Monsieur de Damas sourit de ce mauvais sourire du soldat à qui l'on demande, soit par ignorance, soit dans l'espoir de l'intimider, une chose incompatible avec les lois de la discipline. « Ah, dit-il, c'est le désir de la municipalité de Clermont que je reste jusqu'à demain matin. » « Oui. Eh bien, monsieur, Dites à la municipalité de Clermont que j'ai le suprême regret de me refuser à son désir, attendu qu'aucune loi, que je connaisse du moins, n'autorise la municipalité de Clermont à entraver la marche des troupes. Quant à moi, je n'ai d'ordre à recevoir que de mon chef militaire, et voici mon ordre de départ. » Et ce disant, M. de Damas étendit son ordre vers les députés municipaux. Celui qui était le plus proche du comte le reçut de ses mains et le communiqua à ses compagnons, tandis que M. de Damas prenait derrière lui les pistolets déposés d'avant sur la cheminée et cachés par son corps. Après avoir examiné avec ses collègues le papier qui venait de lui être communiqué, « Monsieur, dit le membre de la municipalité qui avait déjà adressé la parole à M. de Damas, plus cet ordre est précis, plus nous devons nous y opposer, car sans doute il vous commande une chose qui, dans l'intérêt de la France, ne doit pas s'accomplir. Je vous annonce donc, au nom de la nation, que je vous arrête. Et moi, messieurs, dit le comte en démasquant ses deux pistolets et en les dirigeant sur les deux officiers municipaux les plus rapprochés de lui, je vous annonce que je pars. » Les officiers municipaux ne s'attendaient pas à cette menace armée. Un premier sentiment de crainte ou peut-être d'étonnement les fit s'écarter de devant M. Damas. Celui-ci franchit le seuil du salon, s'élança dans l'antichambre, dont il ferma la porte à double tour, se précipita par les escaliers, trouva son cheval à la porte, sauta dessus, se rendit ventre à terre sur la place où se rassemblait le régiment, et s'adressant à M. de Floirac, un de ses officiers qu'il trouva à cheval, « Il faut nous tirer d'ici comme nous pouvons, » dit-il, « mais l'important est que le roi soit sauvé. » Pour M. de Damas, qui ignorait le départ de Drouet de Sainte-Menehould, qui ne connaissait que l'insurrection de Clermont, le roi était sauvé, puisqu'il avait dépassé Clermont, et qu'il allait atteindre Varennes, où stationnaient les relais de M. de Choiseul et les hussards de Lauzun, commandés par M. Jules de Bouillet et de Règecourt. N'importe, pour une plus grande précaution, s'adressant au quartier maître du régiment, qui s'était rendu sur la place un des premiers avec les fourriers et les dragons de logement, « Monsieur Rémy, lui dit-il tout bas, partez. Prenez la route de Varennes, allez ventre à terre, rejoignez les voitures qui viennent de passer, vous m'en répondez sur votre tête. » Le quartier maître piqua les deux et partit avec les fourriers et quatre dragons. Mais en sortant de Clermont, arrivé à un endroit où la route se bifurquait, il prit le mauvais chemin et s'égara. Tout tourna fatalement dans cette fatale nuit. Sur la place, la troupe se formait lentement. Les municipaux enfermés chez M. de Damas étaient facilement sortis de leur prison en forçant la porte. Ils excitaient le peuple et la garde nationale, qui se rassemblaient avec une bien autre ardeur et dans une bien autre attitude que les dragons. Quelques mouvements que fit M. de Damas, il s'apercevait qu'il était couché en joue par trois ou quatre fusils dont le point de mire ne le quittait pas, ce qui ne laissait pas que d'être inquiétant. Il voyait ses soldats soucieux, ils passaient dans leur rang pour essayer de raviver leur dévouement au roi, mais les soldats secouaient la tête. Quoiqu'ils ne fussent pas encore tous rassemblés, il jugea qu'il était grandement temps de partir. Il donna l'ordre de se mettre en marche, mais personne ne bougea. Pendant ce temps, les officiers municipaux criaient « Dragons, vos officiers sont des traîtres, ils vous mènent à la boucherie, les dragons sont patriotes, vive les dragons !» Quant aux gardes nationaux et au peuple, ils criaient « Vive la nation !» D'abord, M. de Damas, qui avait donné à demi-voix l'ordre de partir, crut que cet ordre n'avait pas été entendu. Il se retourna et vit les dragons du second rang qui mettaient pied à terre et qui fraternisaient avec le peuple. Dès lors, il comprit qu'il n'y avait plus rien à attendre de ces hommes. Il réunit autour de lui les officiers par un coup d'œil. « Messieurs, dit-il, les soldats trahissent le roi. J'en appelle des soldats aux gentilshommes, qui m'aiment, me suivent, à Varennes. » Et enfonçant les éperons dans les flancs de son cheval, il s'élança le premier à travers la foule, suivi de M. de Floirac et de trois officiers. Ces trois officiers, ou plutôt sous-officiers, étaient l'adjudant Fouque et les deux maréchaux des logis, Saint-Charles et la Poterie. Cinq ou six dragons fidèles se détachèrent des rangs et suivirent aussi M. de Damas. Quelques balles que l'on envoya à ces héroïques fugitifs furent des balles perdues. Voilà comment M. de Damas et ses dragons ne s'étaient pas trouvés là pour défendre le roi quand le roi avait été arrêté sous la voûte de la tour du péage à Varennes, forcé de descendre de sa voiture et conduit chez le procureur de la commune M. Sauce.